cours numéro 38. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, thumma hum ma'a hadhihi al-usul, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhawna anil munkar, ala ma tujibuhu al-shari'a. Le cours précédent, on a lu un passage très important sur la voie des salaf fi al-ilm wal-amal. Et stafadna walillahi alhamd anna la voie de Ahl-Sunnah al-Salafiyya elle est fondée sur al-Qur'an wal-Sunnah wa ijma' wal-ijma' ala fahm al-Salaf. Donc la voie de Ahl-Sunnah elle est fondée sur le Qur'an et sur Sunnah avec la compréhension des salafs. هذا طريقهم, que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans l'ibadah, que ce soit dans les bons comportements. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, fil wasitiyya, il a clarifié, il a résumé la croyance des salafs. Fi al-asma wa sifat wa ghayri dhalik, tout ce qui concerne le jour dernier, etc. Thumma, rahimahullah ta'ala, il a cité أن طريقتهم أي في الإجماع أو بالإجمال نعم أو إجمالا c'est de suivre les textes. Ça c'est le chapitre précédent. Et dans ce dernier chapitre, رحمه الله تعالى, il a montré كذلك أن أهل السنة والجماعة il donne de l'importance au bon comportement. فلهذا قال ثم هم مع هذه الأصول أي avec ses usul, ses fondements, c'était précédemment, et la croyance des salafs, lui donner de l'importance, l'apprendre, la mettre en application, mais هذا, il néglige pas les bons comportements. هذا الترتيب il est nafis. L'ordre que l'imam al-Taymiyyah, rahimahullah, il a choisi pour écrire cette risala, pour répondre à cette question sur la croyance, il est très très bénéfique. فهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. Et كذلك, ce point c'est un fondement de notre dîn. Appeler au bien et réfuter le mal. قال الشيخ سعدي رحمه الله أي باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبعا للقدرة والمصلحة كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الحديث اللي في صحيح مسلم تقدم معنا كثيرا ولله الحمد. قال ويسلكون أقرب طريق. Donc قبل ذلك أنهم ils appellent au bien, ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable, ils réfutent les mauvaises choses. S'ils peuvent avec les mains, s'ils ne peuvent pas, ils passent à un degré inférieur avec la langue, s'ils ne peuvent pas avec le cœur. Et ça, c'est adhaful iman. Et on peut tous détester les mauvaises choses avec nos cœurs. Même si, dans certains cas, on ne peut pas parler, ça peut engendrer un mal plus grand. Et on ne peut pas enlever le mal avec notre main. Lakin, al-qalb, c'est le niveau, c'est le minimum. قال ويسلكون أقرب طريق يحصل به المقصود بالرفق والسهولة متقربين بنصيحة الخلق إلى الله قاصدين نفع الخلق وإيصالهم إلى كل خير وكفهم عن كل شر ساعين في ذلك حسب وسعهم. هذا سان كلام جميل للشيخ سعدي رحمه الله. أن على ce fondement il y a une manière de l'appliquer, أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكما قال الشيخ on doit utiliser أقرب طريق أقرب طريق يحصل به المقصود. L'essentiel c'est de propager le bien et de mettre en garde contre les mauvaises choses, contre le shirk, contre les innovations, contre les péchés, contre les mauvaises pensées. Donc on essaye de choisir la meilleure façon, la plus simple. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Tant qu'on peut faciliter bien sûr sans contredire la voie des salafs. Le chapitre qu'on a étudié précédemment, Walillahilham, On doit simplifier à nos frères et on doit utiliser كذلك الرفق. قال بالرفق والسهولة. الرفق c'est la douceur. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. La douceur, elle n'est pas utilisée, elle n'est pas employée dans une chose, إلا elle embellit cette chose. قال والسهولة. On l'a cité, la facilité. Sans contredire les textes, bien sûr. أما autoriser une chose d'interdite, ou autoriser une bid'a, ou fermer les yeux sur le haram, ça, c'est pas mina at-taysir, et c'est pas mina at-tashil. Ça, c'est de l'égarement. C'est pas de la facilité. Enfin, notre dîn, wallahi alhamd, notre religion, elle est fondée sur la facilité en appliquant les textes. Et celui qui applique les textes, wallahi alhamd, il appliquera la facilité. Amma, suivre les passions des gens, ou craindre le. Qu'un tel il parle sur nous, ou il met en garde sur nous, ou il nous accuse, ou min hadha al-bab, et on délaisse notre din, ça c'est, ça fait pas partie de la voie des salaf, abadan. Qala mutaqarribin bi nasihati al-khalq ila Allah, kadhalik on fait une nasiha, on leur montre, li anna ba'd an-nas, ils délaissent des obligations, ou ils font du haram, li madha li annahum ils ignorent. Ils ne savent pas, ils n'ont pas compris, ils pensent bien faire. An-nasiha billati hiya ahsan, conseiller de la meilleure manière, c'est très très profitable. قَالَ قَاصِدِينَ نَفْعَ الْخَلْقِ وَإِصَالَهُمْ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ. C'est ça notre but. Notre but, c'est pas d'avoir des suiveurs qui nous suivent nous. Là, notre but, c'est que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il soit suivi. Notre but, c'est que les gens y profitent. Notre but, c'est que les gens ils s'écartent du mal. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Enfin, on aime pour nous ce que, on aime pour nos frères ce qu'on aime pour nous-mêmes. Belle, même pour autre que nos frères, même le kuffar, on veut leur khayr, on veut leur bien. Si on peut leur montrer, on leur montre. Qala wa isalihim ila kulli khayr wa kaf, na'am, qasidin naf'a al-khalq wa isalahum ila kulli khayr wa kaffahum an kulli shar, sa'ina fi dhalik hasab wus'ihim. Et ça, c'est important. Chacun selon sa capacité. On n'a pas le droit de rentrer dans une chose, dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, au nom de la da'wa, au nom de la nasiha, au nom de l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, et on parle sans ilm, on parle sans science. Limadha li anna, si on ne fait pas attention, peut-être que notre envie que les gens soient guidés, notre envie de montrer la vérité, ça peut nous pousser à parler sans science. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Qala hasab wus'ihim, al wus' cette taqa. C'est la capacité. Selon nos capacités. Et on fait attention, on a de ne pas nous imposer au-dessus de nos capacités, de notre capacité. L'égarement qui est propagé, on n'est pas responsable. Donc, on n'a pas à prendre cette responsabilité et ça peut nous pousser à faire des choses mauvaises. Voilà, on fait ad-da'wa et on fait ad-du'a. On fait da'wa bil-ilm et on fait da'wa avec notre langue et sincèrement avec notre cœur. Mais idnillahi azza wa jal, il y aura beaucoup de bien. Et comme taqaddam, tout ça c'est fondé sur l'ilm. Plus l'insan il fera des efforts dans l'ilm, khassatan l'apprentissage de cette aqida, plus idnillahi azza wa jal, il fera profiter ses frères. Imma en faisant al-khutbah, khutbat al-jumu'ah, imma en faisant des durus, imma en faisant des conférences, imma en expliquant des livres, imma en traduisant, imma en propageant al-muhim, ça yinfa' bi idnillahi azza wa jal. Il aura son rôle à jouer fi al-umma ay min hayth al-ilm wa al-ta'lim wa an-nashr. L'essentiel c'est de se baser sur le principal. Il y en a tout ce que Cheikh l'Islam rahimahoullah il a cité là, c'est fondé sur l'ilm. Tadhkurun la kalima qu'on a fait sur l'amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. La première condition c'est l'ilm. Il faut avoir de la science pour pouvoir montrer le bien et réfuter le mal. Na'am, fa العلم سي أساس كل خير. Et ce sujet, ordonner le convenable, interdire le blâmable, on l'a traité il y a quelques mois, wallillahi alhamd, avec nos frères dans une kalima qu'on a propagée. Et les ulama, ils ont écrit des kutub nafi'a fi hadha al-bab. Et parmi les meilleurs livres, bien sûr, la risala de Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahimahullah, et كذلك la risala de Cheikh Hamoud al-Twajiri, il a une risala nafi'a fi hadha al-bab. Et كذلك شيخنا الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله il a une risala tayyiba et d'autres من اهل العلم beaucoup de savants ils ont traité ce sujet. قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى سيتي سيت مسألة كذلك تخي تخي زمبورتون أي أن السني إلوي أسون غوفرنور que ça soit un gouverneur qui fait partie de l'Abrar. L'Abrar, c'est Jem'u Bar. Al-Bar, c'est celui qui applique Al-Bir, l'homme pieux. Ou Fajiran min al-Fujjar. Ou que ça soit un égaré, ou quelqu'un qui fait des péchés, un pervers, etc. À la kulli hal, tant que c'est un gouverneur musulman, on doit lui obéir. On lui obéit fi ta'atillah azza wa jal, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. قال وذلك لأن غرضهم الوحيد تحصيل المصالح وتكملتها وتعطيل المفاسد وتقليلها فلا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه قولا وفعلا فيشاركون الولاة الظلمة في الخير ويفارقونهم في الشر ويحرصون على الاتفاق وينهون عن الافتراق. كلام جميل. دونك السني son but, c'est de propager le bien. Son but, kadalik, c'est que le mal, il s'écarte de cette communauté. C'est pour ça que la yamtani'un an i'anati zalim ala al-khayr. Tant que le gouverneur, c'est un musulman, même si il commet des injustices, même s'il fait des péchés, même si il fait certaines choses, on n'a pas le droit de se rebeller. On n'a pas le droit de le délaisser. C'est un musulman. فَنَتَعَوَنَ مَعَهُ On s'entraide ma'a dans le bien qu'il a. Et le mal qu'il a, si on peut conseiller, on conseille. Et si on n'a pas la capacité ou les moyens, فَأَقَلْ شَيْءٍ On fait du'a pour lui. لِمَاذَا لِأَنَّ فِي إِصْلَاحَ الْوَلِي إِذَا صَلَحَ الْوَلِي Ça va profiter à toute la communauté. C'est le gouverneur. Il est guidé. Toute la communauté, elle va en profiter بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ ويفارقونهم في الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما si un gouverneur nous appelle à faire des péchés du mal, on n'a pas le droit d'obéir في هذا الحال. لماذا؟ لأن l'obéissance في الطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Donc طاعة الولي c'est par rapport à l'obéissance d'Allah عز وجل et l'obéissance du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام جميل dans son شرح. قال فيه أهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله المخالفات في هذه الأمور معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجر إلى فتن عظيمة. تأمل قوله لديهم بعد نظر. Ahl al-Sunnah, da'iman, ils regardent très très loin. Ils pensent aux conséquences. Ils ne se précipitent pas. لماذا لأن المخالفة في هذا الباب, comme il a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, désobéir au gouverneur et provoquer, être la cause d'une fitna, d'une division, d'une rébellion, ça peut aller très très loin. Le sang, il peut couler. Des croyants, ils peuvent se faire massacrer, torturer. La division, etc. فلهذا السني في هذا الباب يحذر. Il fait attention. Et il suit la voie des salaf. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين. C'est quoi qui a semé la division et des guerres, des révolutions. Certains musulmans s'entretuent entre eux. Et là, pourquoi? Parce que ce fondement, l'obéissance au gouverneur, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, il a été délaissé. قال والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة. Et on a vécu un exemple il y a quelques années et dans certains pays musulmans ils vivent encore les conséquences de هذا الخروج, ce qu'ils appellent le printemps arabe, الربيع العربي, qui a causé beaucoup de fitnes. Et هذا الخروج, il était au nom de la liberté, au nom de la démocratie, au nom des droits, etc. Et ils se sont fait du mal à eux-mêmes, ils ont fait du mal à leurs frères, ils ont fait du mal à certains gouverneurs musulmans, bighayri haqq. Et qu'est-ce que la Ummah, elle a gagné? Est-ce que la situation, elle s'est améliorée dans ces pays? Abadan. Bel, les ennemis de l'islam, tamakkanou, ils en ont profité, ils ont semé la division, Ils ont pillé les richesses de certains de ces pays. Et les musulmans, on dit même pas, ils étaient comme avant la révolution là. Leur situation, elle s'est aggravée. Ça nous montre que ce n'est pas la solution. Abadan. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا فجارا. نعم أي لوبيسانس سي ولي الأمر سلوي كي ديريج الحج أو الجهاد وأوتر parmi les عبادات للصلوات أو العيد tout ce qui concerne notre دين on doit obéir. On doit obéir. لماذا؟ لأن la désobéissance ça fait que du mal في هذا الباب. وقال الشيخ ابن عثيمين ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر بل يرون أنه منكر وهذا سيسكو سيختين لن تكون خير بعض الضلال من الخوارج والحزبيين والإخوان سوكي سسون إغاري في هذا الباب إذا فلا لا ريفوليسيون إي بونس كو أهل السنة إز أكسبت لي بيشي دون تل بيي أو تل غوفرنمون أو تل ريسبونسابل أبدا أن بيشي سي أن بيشي. Lakin, est-ce qu'on se comporte avec le péché d'un gouverneur comme le péché d'un autre musulman? Abadan. Limana li anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment nous comporter. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث لا نستعجل شيخ ابن عثيمين نعم إن أنا سيتي نقراها قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عن وائل بن حجر عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا هذا الصحابي رضي الله عنه إلى دمان دو بروفيت صلى الله عليه وسلم يا رسول الله qu'est-ce qu'on doit faire ou comment devra-t-on réagir quand certains gouverneurs ils nous donneront pas nos droits et demanderont les leurs. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا écoutez et obéissez. اسمع هذا الجواب النبوي ça c'est la réponse du prophète صلى الله عليه وسلم الحديث il est صحيح il est في صحيح مسلم اسمعوا واطيعوا écoutez et obéissez فانما عليهم ما حملوا او ما حملوا وعليكم ما حملتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال écoutez, obéissez. Ils rendront des comptes sur ce qu'ils ont fait. Et vous rendrez des comptes sur ce que vous avez fait. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala mitla hadha al-kalam al-azim? Pour préserver la umma de la division. Pour préserver la umma de la rébellion contre le gouverneur qui pousse à beaucoup de mal. Et lis l'histoire, Akhil Karim. Depuis l'époque de Uthman radiyallahu anhu, quand ils ont fait le khuruj et ils l'ont assassiné, al-khawarij, al-dullal. Et ils l'ont assassiné injustement, radiyallahu anhu, jusqu'à aujourd'hui, toutes les révolutions. Et tu verras que ça amène que du mal. Ça fait que diviser les musulmans. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que tariqatu ahli sunnati wal jama'a, c'est l'opposé. C'est fondé sur la patience. C'est fondé sur atta'a, l'obéissance. Et kadhalik, c'est fondé sur l'ihtisab. Si tu as subi une injustice, isbir. Ça ne veut pas dire que ton injustice, elle ne sera pas réparée. Lakin, ne te précipite pas, Fidounia, surtout si c'est un gouverneur, les autorités, pour diviser, pour semer, iyadam billah, la division, pousser à la révolte. Et vous avez remarqué qu'à notre époque, c'est fondé sur Dounia. Est-ce que ceux qui font les manifestations, le printemps arabe, c'était pour appliquer la sharia, c'était pour appliquer le tawhid, c'était contre l'adoration des tombes, c'était contre les innovateurs et les innovations? Abadan, c'était pour Dunya. Ah, ça montre que celui dont le cœur il est attaché à Yadam Billah Dunya, ça peut le pousser à ce genre de ma'asi. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama fi hadith Ubada ibn Samit radiyallahu an qala ay Ubada bay'na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam' wa at-ta'a fi al-'usr wal yusr wal manshat wal makrah. أنه يخطئ عليه جنس البروفيت صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر أي dans les ans c'est la difficulté أي dans tous les cas on obéit والمنشط والمكره المنشط ça vient de النشاط quand tu es motivé à faire une chose tu aimes une chose والمكره quand tu détestes une chose. قال وأن لا ننازع الأمر أهله. Il prêtait allégeance au prophète عليه الصلاة والسلام de ne pas se rebeller contre le gouverneur. Si ce gouverneur est un musulman, Même s'il a des manquements, même s'il a des défauts, même s'il fait des péchés, tant que c'est un musulman, on n'a pas le droit de se rebeller. Le hadith, il est clair. Et dans l'autre hadith, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, même si ce gouverneur, il te prend ton argent, il te fouette le dos, qala bi sallam asbir wa ati'. Patiente et obéis. Tout ça, lillah. Ahl sunna comme taqaddam ma'ana, c'est ashja' an-nas, c'est les gens les plus courageux. C'est les personnes, walillahi alhamd, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Donc, ils n'ont pas peur des autres, des gens. Lakin, walillahi alhamd, ils ont cette aqidah. Ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils pensent à la ummah. Ils font tout pour ne pas diviser, contrairement à certains égarés. Et ce sujet, kadhalik, on l'a traité kathiran, walillahi alhamd. Et on peut citer une référence, kitab, une référence simple, kitab, Mu'amalatu al-Hukam, fi dhaw al-kitab wa sunna li Sheikh Abdussalam ibn Barjis, rahmatullah alayhi. L'obéissance au gouverneur à la lumière du Coran et de la sunna, c'est une risala muhimma jiddan. Elle est très très importante et très très bénéfique. Il a simplifié le sujet et il a traité ce sujet selon la compréhension des salaf. رحمه الله فأجاد وأحسن رحمة الله عليه. Et ce livre, il a un مختصر. Le Cheikh lui-même, Cheikh Abd Salam, رحمه الله, il l'a résumé dans une risale. Et Inch'Allah Ta'ala, on essaiera de l'étudier ensemble. Une risale très très courte. Et il a résumé ce livre avec des règles concernant le gouverneur. Et là, chacun a étudié ce genre de livre, c'est très très important. قال شيخ العثيمين ولأننا لو تخلفنا عن متابعتهم لشققنا عصا الطاعة الذي يترتب على شقه أمور عظيمة ومصائب جسيمة. نعم. Se rebeller contre le gouverneur, ne pas lui obéir, ça pousse à la division et ça pousse à beaucoup de mal. ثم قال رحمه الله ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. كذلك يحافظون على الجماعات اي اهل السنه يدن دو لامبورطونس ا صلاه الجماعه في المسجد que ça soit الجمعه le vendredi او les autres صلوات obligatoires. قال ويدينون بالنصيحه ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كذلك من سمات أهل السنة والجماعة ومن أوصافهم parmi les caractéristiques des gens de la sunna أنهم يدينون بالنصيحة يدينون l'importance à النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة la religion c'est la نصيحة. Donc on doit faire des efforts في هذا الباب كما تقدم معنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيحة بعلم. On commence par les choses essentielles. C'est-à-dire qu'on s'adapte à la personne. Sans délaisser les textes, bien sûr. Là, il y a une façon de parler. Tu parles à un jeune, ce n'est pas comme tu parles à une personne âgée. Tu parles à un de tes proches, ce n'est pas comme tu parles à un étranger. فالإنسان لابد أن يتدبر مثل هذه الأمور. فالنصيحة c'est un باب عظيم. النصيحة للأمة. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والشبكة بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كذلك يعتقدون ils mettent en application autant qu'ils peuvent la parole du prophète صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان أي les croyants ils sont comme une seule construction المؤمن للمؤمن كالبنيان. البنيان c'est une construction, une maison ou autre. فالمؤمن للمؤمن c'est comme une même construction. Une construction pour qu'elle soit élevée, pour qu'elle soit profitable, pour qu'elle soit habitable, etc. Il faut plusieurs choses. فالمؤمن للمؤمن هكذا. Et le croyant, il renforce son frère. Il aide son frère, il complète son frère. Ton frère, il a un manquement, enfin, t'as essayé de compléter. Ton frère, il s'est trompé, viens, Adam, t'as essayé de corriger. Ton frère, il a besoin d'aide, anta, tu l'aides. قال ويعتقدون أو تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم، نعم ننظر هل الشيخ ابن العثيمين، نعم بعد، قال وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. سقط dans notre livre, il manque un mot, قوله صلى الله عليه وسلم: وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Ça ressemble au hadith précédent. Un autre exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité. Le premier exemple, il a comparé les croyants à une construction. Dans ce hadith, قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. Il les a comparés à un même corps. Et un corps, il est constitué de plusieurs choses. De bras, de jambes, d'une tête, etc. Al-mu'min, l'il-mu'min, c'est comme un même corps. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتكى منه عضو, si un membre, il a un problème, une douleur, il a été touché par quelque chose, تدع له سائر الجسد بالحمى والسهر. Tout le corps, il souffre. أحيانا, tu es touché dans un doigt, ou tu as mal à la dent, ou tu as mal à l'oreille, et tout ton corps, il souffre. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدع له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثلا, un mal de dent, ça peut te causer de la fièvre et tu n'arrives pas à dormir. C'est tout ton corps qui souffre. هكذا المؤمن للمؤمن. Si un de nos frères, il est touché par quelque chose, ça doit nous faire quelque chose à nous. لماذا لأننا, on est des frères. C'est pour ça que ça doit nous pousser. هذه العقيدة de ce hadith, la croyance en ce hadith, et on est convaincu que c'est véridique, c'est la parole du prophète, ça doit nous pousser à agir. On doit essayer de soulager ce mu'min. C'est comme ton corps. Si tu as mal à la dent, tu ne vas pas laisser ta dent hakada sans faire aucune cause. Là, tu vas prendre un calmant, tu vas aller au dentiste. Mu'min, il faut que tu règles ce problème qui te fait beaucoup de mal. Hakada avec notre frère. Si notre frère il souffre, on ne doit pas être tranquille. Tant qu'on n'a pas arrangé les choses, bi'idnillah, azza wa jal, qala, ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. Dans notre nusra, بمر القضاء والصواب بالضم. بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويأمرون بالصبر عند البلاء. كذلك يسنجوان لا باسيونس عند البلاء lors des épreuves. Et ce point ولله الحمد, c'est ce qu'on traite en ce moment dans l'explication de Riyad al-Salihin, le chapitre de la patience. قال ويدعون والشكر عند الرخاء, أي la patience face aux épreuves, la reconnaissance dans l'aisance عند الرخاء, والرضا, الرضا c'est le fait d'accepter بمر القضاء, أي d'accepter le destin douloureux. Cheikh al-Islam il a qualifié de mur. Al-mur c'est l'opposé de quelque chose de sucré. Al-halwa. Ce qui est opposé, c'est quelque chose de mur, quelque chose de amer. Ahl-Sunnah, ils appellent à accepter Al-Qadr. Pourquoi? Parce que Al-Qadr, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla shay'in khalaqnahu bi qadr. Donc, ils acceptent. Ils acceptent si ce destin, en apparence pour nous, c'est un mal. On l'accepte. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a qadr. Et la'alla, ça renferme un énorme bien pour nous. قَالَ وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمْ الْأَخْلَاقُ وَمَحَاسِنْ الْأَعْمَالِ. كذلك, ils appellent au beau comportement. وَمَحَاسِنْ الْأَعْمَالِ, les bonnes œuvres. قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّمَا بُعِثُ لِأُتَمِّمْ مَكَارِمْ الْأَخْلَاقِ. النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ, il nous a informé أنه il a été envoyé pour parfaire les bons comportements. Notre dîne donne beaucoup d'importance au bon comportement. Le bon comportement, bien sûr, mais Allah subhanahu wa ta'ala, awalan, avoir un bon comportement avec Allah azza wa jalla, le bon comportement envers son messager sallallahu alayhi wa sallam, le bon comportement envers ses frères croyants, le bon comportement avec les ennemis de l'islam, le bon comportement dans chaque chose. Qala, ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث قال في الحاشية رواه الترمذي وأبو داود وأحمد والحاكم. الإمام الألباني رحمه الله إلا سيتي في الصحيحة. كذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه إلا سيتي في الصحيح المسند. دونك الحديث إلى حسن أو صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Les croyants qui ont la foi la plus élevée, c'est les croyants qui ont le meilleur comportement. Ça nous montre le lien entre le bon comportement et la foi. Le bon comportement et l'aqida. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a cité mithl hadha al-kalam al-jamil dans cette risala qui traite à la base la croyance des salafs. Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah, ta'ala, قال هذا الحديث ينبغي أن يكون دائما نصب عيني المؤمن. Ce hadith, on doit toujours s'en rappeler, tant qu'on peut. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال شيخ ابن عثيمين فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. Ça c'est une remarque qu'on a fait assez souvent معكم et que شيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله il a cité أن حسن الخلق أولا وقبل كل شيء c'est le bon comportement avec Allah سبحانه وتعالى. Avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Amma, penser, quand on parle du bon comportement, que le bon comportement avec un tel et on néglige le reste, ça c'est un énorme manquement. Faliyadha qal shoukh al-azimin rahimahullah, amma husnul khuluq ma'allah, c'est quoi le bon comportement avec Allah azza wa jal? Qala fa'an. نتلقى أوامره بالقبول والإذعان والإنشراح وعدم الملل والضجر. C'est ça le bon comportement. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné une chose, on accepte. Et on accepte avec joie. Et on sait que c'est pour notre bien. Et عياذا بالله, on ne repousse pas, on ne rejette pas. Encore plus grave, le fait de démentir, de penser que c'est faux. Ça, c'est de la mécréance, عياذا بالله. قال وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. Donc on accepte l'ahkam al-shar'iyya, tout ce qui est lié au din, on l'accepte. Les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et autres. Et كذلك on accepte l'ahkam al-kawniyya, ay le destin. Et on patiente. C'est ça le bon comportement. فتتعجب ceux qui pensent que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, min yahoud wa nasara wa ghayrihim, بعضهم ils disent ils ont un bon comportement. بعضهم c'est encore plus grave, ils disent ils ont un meilleur comportement que les croyants, que les musulmans. Ça, c'est de l'ignorance. Comment tu peux prétendre que une personne qui prétend que Allah il a un enfant, il a un bon comportement. Hada, c'est min aqbah an-nas khuluqan wa kufran wa ilhadan. Prétendre que Allah il a un enfant ou rejeter le Coran ou croire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était pas un messager, un prophète. Hada, ça haqiqa, si on comprend ce genre de message avec kalam ahl al-ilm, ça va nous faciliter beaucoup de choses. Et كذلك on va reconnaître celui qui appelle à la vérité de celui qui appelle aux passions. Pourquoi بعض الناس ils appellent qu'au beau comportement? Ils appellent même plus à notre époque, certains bien sûr. Certains ils appellent même plus au bon comportement avec les croyants. Avec... Là ils parlent que des koufars. Le bon comportement, كأنه c'est devenu restreint pour certains que envers les koufars. Pourquoi? Parce que كأنهم ils ont quelque chose à prouver. On n'est pas comme les autres, etc. On n'a pas besoin de hada. Nous-mêmes, et on appelle au bon comportement, même avec les ennemis d'Allah. On appelle à la justice, on appelle à ne pas pratiquer la corruption, le mensonge, le vol, la traîtrise, même avec les ennemis d'Allah. On n'a pas le droit. Et on appelle à hada pas pour nous rapprocher d'eux, on les déteste fillah. Et ils nous détestent, walhamdulillah. Lakin, on appelle ça lillah, pour Allah, azza wa jal. Amma, eux, ils ne seront jamais d'accord. Fais ce que tu veux, ils ne seront jamais d'accord. وَلَنْ تَرَضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Tu peux appeler au bon comportement, etc. Tant que tu ne délaisses pas ton din, ils ne seront pas satisfaits de toi. قَالَ شَيْخُ الْعُثَيْمِينَ أَمَّا حُسْنُ الْخُلُقُ مَعَ الْخَلْقِ فَقِيلَ هُوَ بَدْلَ النَّدَى وَكَفَّ الْأَذَى وَتَلَاقَتِ الْوَجْهِ etc. Le bon comportement avec les êtres humains, c'est ce que Cheikh al-Islam al-Taymiyyah, rahimahullah, il a cité fi hadha al-matn. قال رحمه الله ويندبون أي يدعون كما قال شيخ ابن عثيمين ويندبون أي يدعون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. الحديث قال في الحاشية رواه الحاكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن تصل من قطعك. نعم، أين الكلام؟ نعم، من الأقارب ممن تجب صلتهم عليك إذا قطعوك فصلهم، لا تقل من وصلني وصلته، فإن هذا ليس بالصلة. Et ça, c'est un comportement, celui qui l'applique, ça montre qu'il a beaucoup de bien. Et ça montre que sa foi, elle est qawiyya. Annahu yassil man qata'a. As-sila, c'est les liens de parenté. Qat'u hadhihi as-sila, c'est rompre les liens de parenté. Fa'ahlu sunna, yad'ouna, ils appellent à respecter les liens de parenté, même si ce proche, il les a coupés. Matalan ton frère, matalan ta sœur, matalan ton oncle, matalan encore les parents encore plus importants, ils ont rompu les liens. Fa anta, tu fais tout pour les visiter, pour ne pas couper ces liens. Qala alayhi rahmatullah kama qala an-nabi alayhi salatu wassalam laysa al-wasil bil mukafi innama al-wasil man idha quti'at rahimuhu wasalaha. Al-wasil, c'est pas bil mukafi. Et ce n'est pas un échange. Un tel, il me visite, je le visite. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est normal. Tout le monde fait cela. Si quelqu'un te visite, tu réponds. Là, celui qui respecte les liens de parenté, ça va plus loin. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-wasil. Celui qui respecte ses liens, qui ne les coupe pas. Man idha quti'at rahimuhu wasalaha. Et si les liens de parenté sont rompus, matalan, ton frère, il ne veut plus te parler. Anta, tu fais tout. Lui, il ne te visite pas. Anta, tu le visites. Et ça, c'est une da'wa azim. Ça, c'est une da'wa azim. Même si ce proche, ce n'est pas un muslim. Si ton qasd, si ton but, c'est din Allah et c'est da'wat Allah, et ça peut le toucher, il va très vite s'apercevoir que ce qui te pousse à le rendre visite, c'est ton din. Et notre din, notre religion, elle appelle à tout le bien. Voilà, ça montre la foi de cette personne. Al-Hadith qu'on vient de lire, na'am, il est fi Sahih al-Bukhari, an Abdillah ibn Amr, radiyallahu anhuma kama fi al-Hashiyah. Thumma qala rahimahullah, wa ta'fu amman zalamak wa ya'muruna bi birri al-walidayn, wa silat al-arham, wa husn al-jiwar, wa al-ihsan ila al-yatama wa al-masakin, wa ibn al-sabil, wa al-rifq bil-mamluk. قوله أن وتعفو عن من ظلمك هذا كذلك من مكارم الأخلاق. أي tu pardonnes celui qui t'a fait une injustice, tu lui pardonnes. خاصة si ça implique pas un mal plus grand, bien sûr. وهذا كذلك تقدم معنا في شرح رياض الصالحين. On a détaillé cette مسألة. Surtout tout ce qui est lié au din. Si quelqu'un t'a fait une injustice par rapport au din, il t'a critiqué, etc. Et tu sens qu'il veut accepter la vérité, s'il revient, même si au mur d'unia, on doit faire attention de la dureté du cœur. Un wahid, il vient vers nous et il demande pardon, il s'excuse, il montre qu'il avait tort et on le rejette. Voilà. Ta'fou an man zalamak. Ou celui qui pardonne à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonnera. Al-jaza'u min jins al-amal. Il y a beaucoup de preuves fi hadha al-bab. Qalu wa ya'muruna bi birr al-walidayn. Et ça, c'est un comportement très très important. Qala Allah 'azza wa jalla wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayn ihsana. Ta'ammalu anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité haqq al-walidayn dans ce verset avec son haqq, azza wa jal. Wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Ça, c'est haqq Allah, comme un hadith Mu'ad, radiyallahu anhu. Ça, c'est le droit d'Allah sur les serviteurs, et de ne pas faire de shirk, de l'adorer seul, sans associer. Thumma qala azza wa jal, wa bil-walidayn ihsana. Ay, al-ihsan, le bon comportement avec les parents. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé la Ummah à respecter les parents, obéir aux parents, conseiller les parents, aider les parents. Et ce qu'on voit à notre époque, avec cette pandémie, on a beaucoup de vieux, beaucoup de personnes âgées, ils se sont retrouvés enfermés dans des centres. Et pardon, ils ont la capacité de prendre soin d'eux. Tu trouves des enfants, ils ont placé ses parents dans ces centres, alors que pardon, ils ont les moyens de s'occuper de leurs parents. Pardon, ils ont des maisons, pardon, ils ont beaucoup de choses et ils laissent leurs parents dans ces centres et ils sont bloqués, pas de visite. Bardohom, peut-être qu'ils meurent à cause de la tristesse. Wallahi, Bardohom, peut-être que ce n'est même pas ce virus. Là, c'est très très dur, surtout une personne âgée. La fin de ta vie, tu te retrouves seul dans une chambre. Ah, Satan, avec cette pandémie, personne ne peut te visiter, etc. Là, les parents, ça les touche. Les enfants, ils sont où? On doit faire attention là. Et hada, c'est qalil jiddan inda al-muslimin. C'est pour ça que ça montre que le musulman, malgré tous les péchés qui se passent, malgré la division, wallah, y en a le musulman, il est incomparable avec le kafir. Tu trouves pas ce genre de centre, les maisons de retraite, etc., ce qu'ils appellent les EHPAD, l'Inde, ou Madri, comment ils appellent ces maisons, tu trouves pas là, dans les musulmans, qalil. On ne dit pas que ça n'existe pas, lakin, c'est incomparable. Tu trouves pas de musulman avec un manque de place à la maison. Avec des problèmes financiers, Obama il travaille pas ou il a juste de quoi le suffire. Et ses parents, c'est les premiers. Ils s'occupent d'eux jusqu'à qu'il enterre ce père ou cette mère. Thumma, même après la mort, ad-du'a ou sadaqa, etc. Amma al-kuffar, Allah, il n'a ta ajab de ceux qui pensent. Ils pensent et ils osent dire, annahum, ils ont un bon comportement. Al-kafir, il n'a pas de bon comportement. Al-kafir, c'est al-maslaha. C'est le profit. Ou qui peut emmener du profit. Il s'adaptera. Vu que être véridique, ne pas être injuste, ne pas voler, c'est utile. Jiddan dans un peuple, ils appliquent ces choses. Pas lillah, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est que pour leur bénéfice, pour leur propre poche. Un mal musulman, là. Un musulman, tout cela, il le fait lillah. Qala rahimahullah. Wasilat al-arham. Taqaddam, les liens de parenté. Wa husn al-jiwar. Le bon voisinage. Et ça, Kadalik, c'est très très important. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il soit bon avec son voisin. Ikram al-jar, ne pas lui faire du mal, que ce soit avec les membres, avec la langue, ne pas le gêner, ne pas l'espionner, etc. وجاء في الحديث أن جبريل لا يزال أي جبريل يكونسي النبي صلى الله عليه وسلم sur le voisin حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه il va lui donner une part dans l'héritage. Ça montre أن le voisin il a une منزلة عظيمة il a un حق. قال رحمه الله والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتامى c'est les orphelins. Et l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père petit. Ah, il était petit et son père, il est mort. Naam. Si son père, il est vivant et sa mère, elle est morte, il n'est pas orphelin. Enfin, l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père. Et bien sûr, il était petit. Ah, mais s'il est adulte et il a perdu son père, il n'est pas considéré comme orphelin. Wa al-masakin, c'est les pauvres. Ibn al-Sabil, c'est les voyageurs. Limada, Ibn al-Sabil, les voyageurs. Limada, les annaoum, ils sont étrangers dans un endroit, etc. Enfin, on doit avoir un bon comportement ma'ahoum et les aider, etc. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahoullah, nabbaha, même s'ils n'ont pas des problèmes, des difficultés financières. Il peut avoir de l'argent, ça peut être un homme riche, lakin c'est difficile pour le voyageur. Peut-être que la culture elle est différente, la nourriture elle est différente, il ne connaît pas la langue, etc. As-sunni al-mu'min, il donne de l'importance à hada. Qala, ou al-rifq bil-mamlouk. Aïe, al-mamlouk, les esclaves, avoir de la douceur envers eux. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْبَغْيِ وَالْإِسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ. كذلك, ils mettent en garde contre ces mauvais comportements. Al-fakhr wal-khuyala. Aïe, l'orgueil, le manque de modestie. بَعْضُهُمْ عِيَادًا بِاللَّهِ يَتَكَبَّرُ. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une ni'ma, que ce soit niveau dunya, de l'argent ou autre. Ou une ni'ma par rapport au din, matalan du ilm, thumma yatakabbar ala ikhwani. Et il humilie hada, il rabaisse hada. As-sunni yanha an thalik. Et on doit tous faire des efforts fiha dal bab. Fattawadhu, c'est un comportement très très important. Falihada qal walbaghi. Albaghi, c'est al-dhulm, l'injustice. Walistitala ala al-khalq bihaq ou bighayri haq. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qala, fi qawlihi al-istitala, qal ya'ni al-isti'la. Al-istitala, c'est l'isti'la. Al-isti'la, ça vient du mot ulu. Quelque chose de ali, c'est quelque chose de haut, d'élevé. Et huna, c'est ne pas prendre les autres, yadam billah, de haut avec orgueil, les rabaisser, etc. قال يعني الاستعلاء عليهم بحق وبغير حق فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة سواء بحق أو بغير حق. Même si c'est toi qui as la vérité. On قدر que tu avais la vérité إلى آخره. Réponds avec modestie. فالكبر c'est pas طيب. C'est interdit pour nous. المتكبر c'est Allah سبحانه وتعالى. C'est pour ça que من أسمائه المتكبر. أما أنت même si tu as la vérité, tu restes un être humain avec ses faiblesses, ses manquements. Et ton frère que aujourd'hui t'essayes d'humilier, de rabaisser, les malades, peut-être qu'il a fait une faute. Demain, ça sera toi qui feras cette faute. Fattawadhu, c'est tayyib, la modestie. قال والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره. نعم. أي c'est l'orgueil. ثم قال رحمه الله ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. Et dans une nuscha, سفسافها. Et لعله c'est أقرب سفسافها. أما dans cette nuscha, سفاسفها. نعم. أي رديئها. Quelque chose de radi, quelque chose de mauvais. Ils appellent au bon comportement et mettent en garde contre les mauvais comportements. ثم قالوا وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc même dans ces comportements, Cheikh l'Islam rahimahullah, il en a cité quelques-uns هنا en résumé, leur source c'est القرآن والسنة. قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم. Ceux qui appliquent le plus ces bons comportements et ceux qui suivent la voie authentique et qui ont appliqué la croyance des salaf, ilman wa amalan, c'est Ahle Sunnah. C'est eux qui sont sur la vérité. Amma, celui qui contredit Ahle Sunnah, qui suit une autre voie, un autre groupe, Fannabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que hadhihi al-umma se divisera en 73 sectes, 73 groupes. Kulluha fi an-nar. Ils ont tous en enfer, sauf un groupe, c'est Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est ceux qui suivent Al-Haq. Al-Jama'a, c'est Al-Sunna wal-Jama'a. Al-Jama'a, c'est ceux qui ont cette croyance que Cheikh l'Islam, rahimahullah, il a détaillé dans ce livre. Qu'il a simplifié plutôt, il ne l'a pas détaillé. Il l'a simplifié et résumé. Et qui est détaillé dans d'autres livres. قولو كلها في النار. Cheikh l'Adhimin, rahimahullah, قال كلها في النار إلا واحدة لا يلزم من ذلك الخلود في النار. Ne pas comprendre أن ces groupes ils iront éternellement en enfer. لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي ستفترق هذه الأمة أو أمتي على 73 فرقة. Donc ça reste la أمة du prophète عليه الصلاة والسلام. لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول النار. أي هؤلاء ils ont fait des causes pour rentrer en enfer. Et vu que c'est des croyants, et le croyant bien sûr, il est forcément mort à la tawhid, ils seront تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالصحيح c'est que ces groupes c'est des groupes de muslimines, lakin ils se sont égarés. Ils se sont égarés dans certaines masa'il Et ils ont délaissé la voie du prophète, alayhi salam. C'est pour ça que l'ulama, al-a'imma, ils ne font pas rentrer al-Rafidah ou al-Jahmiyyah dans ces groupes. L'imada, al-Jahmiyyah et al-Rafidah, c'est des kuffars, bil-ijma'. C'est des kafara. Donc, ils ne font pas partie des 73 groupes. Les 73 groupes, c'est des musulmans. Des égarés, lakin, ça reste des musulmans. Les 72 plutôt, un groupe, c'est al-Jama'a, et eux, ils sont sur la vérité. Fahada, c'est un tambih important. Kulluha finnar, ay kulluha testahiq annar. Ils méritent tous l'enfer à cause de leur égarement. Lakin, vu que c'est des croyants, fayyum al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut leur pardonner ou il peut les châtier. Même s'il les châtie, vu que c'est des croyants, enfin, ils rentreront à l'Jannah. Comme chaque croyant. La gravité de l'bid'a. La bid'a, elle peut pousser l'insan dans un groupe. Et ce groupe, il peut faire partie, bien sûr, de ces groupes qui méritent un nar. Qui méritent l'enfer. Qala, rahimahullah. Amma qawluhu. أي أن راجو دو حديث وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي cet ajout أو cette version فيها ضعف الشيخ مقبل رحمه الله ضعفها كما في كتاب المصارعة فالصحيح سيقوله صلى الله عليه وسلم الجماعة le groupe et bien sûr le groupe C'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Falihada, ba'd al-ulama, ils ont montré que niveau isnad, ay, chaîne de transmission, le hadith, il est faible. Lakin, le contenu al-matn, il n'y a aucun doute qu'il est correct, il est sahih. Qala, sara al-mutamassikun bil-islam al-mahab al-khalis anishawb hum ahlu sunnati wal-jama'a. Al-khalis anishawb. Ay, al-shawb, c'est... C'est quelque chose qui chouwa, une chose. Fahum, ils se sont accrochés à l'islam authentique. Ils ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux autres groupes. Bien sûr, yu'minuna billah, wa malaikatihi wa kutubihi, etc. Lakin, ils ont fait rentrer des choses qui ne font pas partie de notre dîn, des innovations, des égarements. Et on a, walillahi alhamd, étudié certains égarements de ha'oula. Qala, وفيهم أي أهل السنة الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى نعم الصديقون والشهداء والصالحون نعم parmi أهل السنة bien sûr il y a des véridiques des martyrs des pieux كذلك أعلام الهدى des savants qui montrent le haq ومصابيح الدجى مصابيح المصباح c'est une lumière الدجى c'est الظلمة c'est l'obscurité فقولهم مصابيح الدجى أي كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يصطدي بهم الناس ويمشون على نورهم أي c'est une lumière pour les autres أي أئمة الهدى علماء السنة c'est comme une lumière pour les autres les autres ils sont dans l'ignorance ou l'égarement et tout ça c'est de l'obscurité فالعالم من علماء السنة c'est Une lumière, bi-idhnillahi azza wa jal, pour les autres. Aïe, il montre al-haq. Et al-haq, c'est une lumière. Qala wa ulu al-manaqib al-ma'thura wal-fada'il al-madhkura wa fihim al-abdal. Qala al-shaykh ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, al-abdal, jam'u badal, ka'annahu badal ou badl, wa humu al-ladhina tamayyazu an ghayrihim bil-ilm wal-ibada. Aïe, c'est ceux qui se distinguent des autres avec la science et l'adoration. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'efforts pour l'ilm ou l'ibada. Il y a les savants. Les savants et ceux qui font des efforts pour suivre leurs traces. Qala wa fihim a'immatu ad-din alladhina ajma'a al-muslimun 'ala hidayatihim wa hum at-ta'ifatu al-mansura alladhina qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Na'am fihim a'immatu ad-din alladhina ajma'a al-muslimun 'ala hidayatihim. Na'am. Comme A'immatu As-Salaf, Rahmatullah alayhim, des grands imams. Et, walillahi alhamd, hada, c'est ma'rouf. Des savants qui sont reconnus par tous. C'est pour ça que Ha'oula al-A'imma, c'est des sunnis. Amma Ahlul Bid'a wa al-Dhalal, même si certains parmi eux, ils ont du ilm, ils sont rejetés. Ils sont rejetés par Ahlul Sunnah à cause de leurs innovations. Qala, قال النبي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق سأهل السنة سأهل الأثر سأهل الحديث سأسلفيون ce groupe. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن un groupe parmi la communauté ils seront sur le haq. تأمل هذه الأوصى على الحق منصورة. Ils seront sur la vérité, ils seront toujours secourus. Même s'ils sont peu nombreux, même s'ils sont accusés, même s'ils subissent des injustices, ils seront toujours sauvés. Les malades, les anahoum, ils font partie de Awliyaullah subhanahu wa ta'ala. Et Awliyaullah subhanahu wa ta'ala, mansouroun. La khawfa alayhim wa lahum yahzanoun. Qala, la yadurruhum man khadlahum. Ay, celui, alladhi yakhudluhum, al-khudlan, c'est... Celui qui ne te secourt pas, qui ne t'aide pas, qui t'accuse, qui te trahit, il te fera aucun mal. Mujarrad adha. Mujarrad certaines choses qui vont te déranger au départ, mais il se fait du mal qu'à lui-même. Wallahi, celui qui harab al-haq, qui harab al-sunna, qui harab al-ulama, qui combat les savants, qui combat les étudiants, qui combat al-da'wa, qui combat l'ilm, il se fait du mal qu'à lui-même. Pardon, il pense à Nahum... Ils font des efforts pour secourir la vérité, ils mettent en garde contre la vérité. Pourquoi ? Parce que tu ne l'as pas suivi. Maintenant, cette aqida qu'on vient d'étudier, on a appelé à une innovation, on a appelé à déformer les attributs, on a appelé à l'irja, on a appelé à se rebeller contre les gouverneurs. Wallahi alhamd, on a appelé à la voie de Ahl al-Sunnah. Tu trouves à Wa'adud Dullal, ils ne sont pas satisfaits. L'imam al-Ali, tu dois le suivre, tu dois expliquer ce livre et le suivre, dire un tel et un tel. Abadan, on est tous des ibad et on est tous ordonnés de suivre al-haq. Et si on suit al-haq, Allah il nous élèvera avec un tel ou sans un tel. Et on doit apprendre à hada. Et s'accrocher à la voix des savants. Mais ceux qui critiquent l'ilm en général, c'est ceux qui sont le plus éloignés du ilm. Comme certains farag dans les réseaux sociaux et sur internet. Wallahi anna ba'dahum, ils ne savent pas réciter correctement le fatiha. Wallahi anna ba'dahum, ils connaissent pas les lettres de l'alphabet et les mois de l'année. On dit pas ça pour les rabaisser, abadan. Wallahi alhamd, on cite personne, on parle en général, lakin pour montrer la gravité. Il y en a celui qui connaît les efforts pour préparer un livre, pour enseigner, pour propager, avant de parler, il réfléchit. Pour ne pas être injuste. Na'am. Amma hakada, critiquer, pardon, ils connaissent même pas, ils savent même pas. Sur un tel, et là, vu que tu ne le suis pas, c'est un égaré. On fait attention. On met en garde contre l'inharaf ou l'munharifid. Quand on ne sait pas, on se tait. Ça peut arriver, tu ne sais pas. On te demande sur quelqu'un, dis Allahu A'lam. Et parler sur un mu'min bighayri haq, c'est très très grave. Surtout s'il appelle au haq. Et l'insan, s'il est la cause d'éloigner les gens d'un ilm, ou d'un savant, ou de quelqu'un qui propage le khayr, et en qiyama, il aura des comptes à rendre. فلهذا الورع الورع on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui vont nous aider à craindre Allah subhanahu wa ta'ala encore plus, c'est d'apprendre cette aqida. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, avant de parler il va réfléchir, avant de critiquer il va se poser des questions. ثم quand il est sûr bi haqq ila akhri, il parle walillahi alhamd, il critique en étant modeste, avec douceur, et il montre le haq. Lillah azza wa jal. Qala, wala man khalafahum hatta taqoum as-sa'a. Et ça, c'est une bouchra pour nous. Anna hadhihi at-ta'ifa. Bien sûr, ce groupe, ils ont une croyance authentique, et ils propagent la croyance authentique. Donc ça nous montre, anna ce groupe, il sera présent, hatta taqoum as-sa'a, jusqu'à l'approche de l'heure. Donc, wallaham, ils sont présents à notre époque. Fallait, on ne doit pas désespérer. Ce groupe, il propage Al-Aqida, ce groupe, il propage Tawhid, ce groupe, il respecte les savants, ce groupe, il respecte As-Sunni. Accroche-toi à cette voie, wa ahmadillah. Qala, fa nas'alullaha an yaj'alana minhum, wa an la yaziqa qulubana ba'da idh hadana, wa yahab lana min ladunhu rahmatan innahu huwa al-wahhab. قال الشيخ سعدي رحمه الله هذا كلام جامع واضح نادر جمعه في موضع واحد لا يحتاج إلى الشرح ولا إلى مزيد من الإيضاح. صحيح، un كلام très très simple، un كلام résumé un kalam très très profitable que Cheikhoul Islam il a cité à la fin de cette aqida. Ce dernier chapitre, on aurait pu l'expliquer dans une série de cours sur les comportements, sur la voie de Ahl al-Sunnah, il a akhri. C'est une risala très très importante. Celui qui a réussi à l'apprendre par cœur, ou parmi nos frères qui continuent à l'apprendre par cœur, falyahmadillah, c'est un kenz, un trésor parmi les trésors de hadhihi ad-dunya, ce genre de moutoun. Qala al-Sheikh Sa'di, alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم قال ذلك وكتبه معلقه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين بعضهم يقولون سعدي بالكسر بعضهم المشهور سعدي بالفتح فهذا ينظر قال تم الفراغ منه في ثامن جمادى الأولى عام 69 و300 وألف هجرية فانتهينا ولله الحمد de cette رسالة et notre objectif c'était de finir avant Ramadan فالحمد لله أما pour nous on a fini avant Ramadan لأن chez nous le Ramadan ça commence demain أما chez la plupart de nos frères Ramadan c'est aujourd'hui فالحمد لله نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم على كل حال on continue l'apprentissage par cœur pour celui qui est motivé et كذلك on révise هذه الأبواب النافعة réviser cette risale on essaiera inshallah ta'ala comme قلنا de la réviser avec la lecture d'un autre charh, celui de Cheikh Al-Harras, rahimahullah. C'est un charh tayyib. Il ressemble à celui de Cheikh Sa'di. Ben, certains passages, c'est les mêmes. Certains passages, c'est les mêmes. Ouais, il lave celui de Cheikh Al-Harras, il est un peu plus détaillé. Enfin, inshallah ta'ala, on essaiera dans quelques mois pour réviser, de lire l'explication de Cheikh Al-Harras. كذلك العناية بالشروح الأخرى celui de Cheikh ibn Uthaymeen والله الحمد استفدنا منه كثيرا il est طيب جدا c'est bien أحسن الشروح il a expliqué le livre entier chaque passage رحمة الله عليه بل chaque mot la plupart des mots ils sont expliqués كذلك celui de Cheikh al-Fawzan on l'a déjà enseigné à nos frères والله الحمد il est très très simple si tu as compris celui de Cheikh Sa'di tu n'as plus qu'à lire celui de Cheikh al-Fawzan et on en a profité بل on a lu un long passage concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك une des références c'est التنبيهات السنية. التنبيهات السنية il est طيب للعلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد. لماذا لأنه il a la plupart des kalam l'explication elle est basée sur les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah lui-même. Et كذلك ابن القيم كذلك ابن مراجب كذلك ابن كثير il a pris des grands imams et il explique avec leurs paroles en général. Enfin, c'est min ahsan al-shuruh, c'est parmi les plus vastes. Kadalik le sharh de Sheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah ta'ala, il est tayyib jiddan. Fa hadha al-sheikh wuffiqa fi al-aqida fi at-tadris. Ces durus ils sont très très profitables. Et walillahi alhamd, son sharh sur al-wasitiyya et at-tahawiyya et kadalik al-hamawiyya, ils ont été imprimés fa yustafad minha. Et d'autres shuruh comme le charh de Cheikh Najmi, de Cheikh Ibn Baz et autres. Mais min alim l'an, tous les savants de la sunna, ils expliquent هذه العقيدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المؤلف الإمام ابن تيمية رحمه الله والشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ونسأله أن يرحمنا ويجمعنا معهم يوم القيامة وفي الفردوس الأعلى ونكتفي بهذا Et on passe à notre dars suivant, bi idnillah azza wa jalla.